1 Chronique, chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel, prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Millau et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Cochite, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Pasdamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishaï, frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capstil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem. Shamot, d'Aror, Eletz, de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiezer, d'Anatot, Sibekaï, le Hushatite, Ilaï, d'Akoar, Maharaï, de Netopha, Héled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Uraï, de Nakalégaash, Abiel, d'Araba, Azmavet, de Bakarum, Eliashba, de Shaalbon, Bené Hachem, de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, d'Arar. Akiam, fils de Sakar, d'Arar. Eliphal, fils d'Ur. Épher, de Mekéra. Akija, de Palon. Etsro, de Carmel. Naharaï, fils d'Esbaï. Joël, frère de Nathan. Mibchar, fils d'Agri. Tselek, l'Ammonite. Nakraï, de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja. Ira, de Jéter. Gareb, de Jéter. Uri, le Hétien. Zabad, fils d'Aklaï. Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Hanan, fils de Maaka. Josaphat, de Mitni. Ozias, d'Ashtaroth. Shama et Jeiel, fils de Hotam, d'Aroer. Jediael, fils de Shimri. Josha, son frère, le Titsite. Eliel, de Makavim, Jeribai et Jokavia, fils d'Elnaam. Jitma, le Moabite. Eliel, Obed et Jaaziel Metsobaja.